en avait tiré le lit complètement hors de l'alcôve. La religieuse était aux pieds, et au chevet se tenait un prêtre, un autre, un grand homme maigre, l'air espagnol et fanatique. Sur la table de nuit, couvert d'une serviette blanche, trois flambeaux brûlaient. Frédéric prit une chaise et regarda le mort. Son visage était jaune comme de la paille. Un peu d'écume sanguinolente marquait les coins de sa bouche. Il avait un foulard autour du crâne, un gilet de tricot et un crucifix d'argent sur la poitrine, entre ses bras croisés. Elle était finie, cette existence pleine d'agitation. Combien n'avait-il pas fait de cours dans les bureaux, aligné de chiffres, tripoté d'affaires, entendu de rapports? Que de boniments, de sourires, de courbettes, car il avait acclamé Napoléon, les Cosaques, Louis XVIII, 1830, les ouvriers, tous les régimes, chérissant le pouvoir de tel amour qu'il aurait payé pour se vendre. Mais il laissait le domaine de la Fortelle, trois manufactures en Picardie, le bois de Crancy dans l'Yonne, une ferme près d'Orléans, des valeurs mobilières considérables. Frédéric fit ainsi la récapitulation de sa fortune, et elle allait pourtant lui appartenir. Il songea d'abord, entre guillemets, à ce qu'on dirait, à un cadeau pour sa mère, à ses futurs attelages, à un vieux cocher de sa famille dont il voulait faire le concierge. La livrée ne serait plus la même, naturellement. Il prendrait le grand salon comme cabinet de travail. Rien n'empêchait, en abattant trois murs, d'avoir, au second étage, une galerie de tableaux. Et il y avait moyen, peut-être, d'organiser en bas une salle de peinture. Quant au bureau de M. d'Ambreuse, pièce déplaisante, à quoi pouvait-elle servir? Le prêtre, qui venait de se moucher, ou la bonne sœur, arrangeant le feu, interrompait brutalement ses imaginations. Mais la réalité les confirmait. Le cadavre était toujours là. Ses paupières s'étaient rouvertes, et les pupilles, bien que noyées dans des ténèbres visqueuses, avaient une expression énigmatique, intolérable. Frédéric croyait y voir comme un jugement porté sur lui. Il sentait presque un remords, car il n'avait jamais eu à se plaindre de cet homme, qui au contraire, entre guillemets, « Allons donc, un vieux misérable !» Il le considérait de plus près, pour se raffermir, en lui criant mentalement « Eh bien, quoi? Est-ce que je t'ai tué ?» Cependant, le prêtre lisait son bréviaire, la religieuse, immobile, sommeillait, les mecs des trois flambeaux s'allongeaient.